J'aime beaucoup, beaucoup ce que fait Geneviève Lefebvre et toutes les fois où je ne suis pas morte est extrêmement dense. C'est une histoire de passion amoureuse, destructrice, mais rendue avec tellement de justesse. C'est aussi l'histoire d'une femme résiliente et une histoire de terrorisme. À travers ça, la construction est vraiment, ça nous jetait par terre. J'ai adoré ça.